Septième chapitre, Quimper en 1597. On ne peut se figurer quel mécontentement et quels murmures éclatèrent dans Quimper à la nouvelle de la mise en liberté de La Fontenelle. Les bourgeois surtout devinrent furieux en apprenant que leur plus cruel ennemi venait d'être relâché. Leur dépit était bien naturel. Ils s'étaient promis tant de plaisir à le voir mourir sur la roue, ou au moins à le savoir condamné au dernier supplice par les parlements de Rennes ou de Paris. Mais leur regret était inutile. Le tigre était libre et démuselé, et ils avaient tout à craindre de sa férocité qui allait encore s'accroître par le désir de la vengeance. Quant à Saint-Luc, il s'inquiétait fort peu des criailleries des bons quimpérois. Son avarice était satisfaite, et la forte rançon qu'il avait reçue l'avait rendu sourd à toute espèce de plainte ou de représentation. Comme il allait être bientôt remplacé dans son gouvernement de Bretagne par le maréchal de Brissac, il avait formé le projet, à la première occasion favorable, de se rendre à Paris pour solliciter de nouveau la place qui lui avait été promise. C'est pourquoi, vers la fin de l'année 1596, Saint-Luc, en apprenant que le roi assiégeait Calais, partit de Quimper dans le but d'aller lui offrir ses services. Mais quand il arriva, le Béarnais était déjà devant l'affaire qui l'emportait d'assaut. Le monarque, charmé de voir venir à lui un des plus vaillants capitaines du royaume, l'accueillit avec empressement et le nomma grand maître de l'artillerie à la place du sieur de la Guiche, dont la démission venait d'être acceptée. De plus, il attacha Saint-Luc à sa personne et ne voulut jamais consentir à ce qu'il retournât en Bretagne. Pendant ce temps, Dugranec était toujours demeuré à Quimper dans la famille de son ami Tréphilis. Il lui avait été impossible d'expliquer la coupable conduite de Saint-Luc et il n'avait pu comprendre comment un brave soldat tel que lui s'était laissé corrompre par un peu d'or au risque de voir sa réputation ternie pour toujours. Certes, comme tous les honnêtes gens, Dugranec avait déploré ce qui venait d'avoir lieu, et il avait frémi d'indignation en apprenant la mise en liberté de La Fontenelle, parce qu'il avait la certitude que celui-ci, une fois dans son île, bien loin de s'amender et de revenir à une vie meilleure, recommencerait ses déprédations et ses courses avec encore plus de fureur que par le passé. Une seule chose seulement venait tempérer sa colère, c'est qu'il songeait à Beaumanoir, l'ami de son père et le parrain de sa bien-aimée Clara. Et alors, laissant de côté l'égoïsme, il comprenait quelles eussent été les douleurs et les angoisses de ce malheureux gentilhomme si Guy Hédère avait été condamné à mourir sur l'échafaud. Bientôt, Dugranec reçut d'Amaury lui-même une lettre de remerciement pour l'avis qu'il lui avait donné au sujet de la capture et de l'emprisonnement de son frère. Le baron lui faisait également savoir que Lavardin avait entièrement échoué dans sa mission auprès de Mercœur et que le duc, persistant dans ses idées ambitieuses, était resté inflexible sans vouloir adopter aucun mode d'accommodement, que seulement le maréchal avait pu l'amener à conclure une trêve. Sur ces entrefaites, le maréchal de Brissac était arrivé à Rennes où il avait pris le commandement du gouvernement de Bretagne à la place de Saint-Luc. Lavardin, plein de dépit et désolé de son insuccès, venait de partir de Nantes et avait regagné Paris. Non seulement il avait échoué avec Mercœur, mais encore La Fontenelle, ayant appris la résistance du chef de la Ligue, s'était empressé d'écrire au maréchal et de refuser toute espèce d'entrevue, déclarant hautement son intention de continuer à combattre, comme par le passé, les royaux et de soutenir le parti de l'Union. La ville de Quimper, à l'époque où se passe cette histoire, était considérée comme la capitale de la Cornouaille. Elle eut pour premier comte ou seigneur Gralon qui, dans la suite, prit le titre de roi. Ce fut lui qui nomma Saint Corentin évêque de Quimper entre les années 434 et 445. Quimper au 5e siècle se nommait Quimperaudet, du nom de l'une des rivières sur laquelle elle est située. Cette ville fut longtemps ouverte et sans défense, mais Pierre de Dreux, duc de Bretagne, sentant qu'une place aussi importante ne pouvait rester sans fortification et sans clôture, la fit entourer de murailles solides et épaisses, bordées d'un parapet garni de meurtrières et de machicoulis qu'il flanqua de plusieurs tours placées de distance en distance. On voit encore de nos jours en divers endroits de Quimper quelques débris des fortifications élevées au XIIIe siècle. Toutes ces tours avaient leur nom. Il ne nous est parvenu que ceux de Penalen, de Nevet, de Furic et de la tour Billan qui, à elle seule, était une petite citadelle parfaitement bien fortifiée. Sous Henri IV, Quimper avait plusieurs portes qui donnaient accès dans la ville. Voici leurs noms. La porte Billan, Saint-Antoine, Déréguer, Parc Arcosti, la porte de la rue Neuve et la porte Médard. Ces deux dernières seulement étaient ouvertes en temps de guerre. Toutes ces portes avaient une ou plusieurs tours de défense, et celles-ci étaient plus rapprochées, plus élevées sur les bords du Ster, près de la pointe du confluent, à l'endroit même où le duc Jean V avait fait construire le château de la ville. Ce ne fut pas sans raison que ces utiles travaux s'élevèrent. La suite fit voir que Quimper, à cause de son importance et de sa situation, fut convoité à différentes époques par plusieurs célèbres capitaines. En effet, en 1344, Charles de Blois l'emporta d'assaut, et l'année suivante, Montfort essaya de s'en emparer. En 1594, Lézonnette, gouverneur de Concarneau, fit une tentative sur Quimper, mais il fut forcé de battre en retraite après avoir été grièvement blessé. Quelque temps après, le maréchal d'Aumont, à l'instigation de celui-ci, vint mettre le siège devant la capitale de la Cornouaille. Il ne parvint à s'en rendre maître qu'après avoir essuyé une vigoureuse résistance de la part des bourgeois qui, dans cette circonstance, se comportèrent comme les plus vaillants soldats.